plastique au bout du zizi. C'est pas la mer à boire, alors tant pis. Si ça dérange quelques gars, tel qui préfère avoir le sida, dagadagada. Nous vivons à une époque critique, où il est dangereux d'avoir la trique. Un petit coup par-ci par-là, et hop, ça y est, tu l'as. En croyant faire la plus belle chose du monde, on fait rien d'autre qu'exécuter sa blonde. En croyant faire la plus belle chose du monde, on fait rien d'autre qu'exécuter sa blonde. La la la la la la la. Marcel et Bernadette s'aimeraient beaucoup, mais Marcel ailleurs avait tiré son coup. Sans se soucier du danger, il ne s'était pas protégé. Aïe aïe aïe, Bernadette broie son côté, ce qui est normal. Tout en aimant Marcel voulut un autre mal. L'amour c'est bien mignon, mais faut mettre le capuchon. En croyant faire la plus belle chose du monde, on fait rien d'autre qu'exécuter sa blonde. En croyant faire la plus belle chose du monde, on fait rien d'autre qu'exécuter sa blonde. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Il faut mettre le capuchon, c'est la seule solution. Monsieur dira, ça tire un peu. Et madame dira, il faut mettre le capuchon, c'est la seule solution. Monsieur dira, c'est pas pratique. Et madame dira, moi le plastique, je suis pas fan non plus. La la la la la la la. Y'aurait bien des solutions trithérapiques, mais pilules et comprimés, faut dire que c'est pas donné, ouais. Et pourquoi voulez-vous qu'un laboratoire, pourtant plein de souffle, fasse un suppositoire? Un vaccin ça serait moins con, mais faut avancer le pognon. La la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Stop it on day, stop it on day, do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. La plus belle chose du monde, on fait rien d'autre qu'exécuter sa blonde. En croyant faire la plus belle chose du monde, on fait rien d'autre qu'exécuter sa blonde. La la la la la la la la la la.